بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on est toujours dans le premier chapitre de Kitab al-Tawhid. Donc pour rappel, on a dit que le Cheikh, son but dans ce chapitre-là, c'est de montrer l'importance du tawhid et la place du tawhid dans notre religion et le statut du tawhid, et que le tawhid, ça vient avant toute chose, c'est la plus grande des obligations, et que son contraire ou son annulant, le shirk, c'est la plus grande. Juste un moment, inchallah. Non. Donc on disait que le shirk dans ce chapitre-là, même si ceux qui ont expliqué le livre, le ulama après lui, ses enfants, ses petits-enfants qui ont expliqué le livre, on a dit qu'Allah wa alam le plus, ce qui est zahir, le plus juste, c'est que le shir, il a voulu montrer donc la place, le statut et le jugement du tawhid dans la religion de l'islam. Et on est arrivé à la parole, donc le premier verset que le shir y cite, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa qawlu Allahi ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Donc je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhashshi rahimahullah, Cheikh Ibn Qasim, il dit qawl bil jara 'atfun 'ala at-tawhid wa yajuzu ar-raf'u 'ala al-ibtida. On peut dire soit kitab al-tawhidi wa qawlillahi ta'ala, ou bil raf', on peut dire kitab al-tawhidi wa qawlullahi ta'ala. Et le deuxième, Allahu alam, il est azhar. Le deuxième shakal est le plus juste, Allahu alam, qawlullahi ta'ala. Ala kulli hal. Ensuite il dit, donc ça c'est important, wal ibadatu lughatan التذلل والانقياد. Donc l'adoration dans la langue arabe, l'ibada. L'ibada dans la langue arabe, c'est التذلل والانقياد. التذلل, c'est le fait de se rabaisser. C'est l'inverse de l'kibr, de التكبر. C'est le fait de se rabaisser, de s'incliner. Et c'est pour ça que les ulama, toujours, ils citent l'exemple de la route. Ils disent tariq al-mu'abbad. Tariq al-mu'abbad, c'est une route qui a été aplanie. À force de marcher dessus, la route, elle est devenue plate, aplatie, elle s'est aplanie. À force des pas qui l'ont foulée. Donc ça, c'est le sens de l'ibada, de l'adoration dans la langue arabe. Le fait de s'humilier, de se rabaisser. L'inverse de takabr, de l'kibr, le fait de se lever, de se mettre au-dessus. Il dit وشرعاً. Il dit اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Dans la sharia, donc ça montre encore une fois, on a vu que il y a certains mots qui ont un sens particulier dans la législation. Ça c'est très important à comprendre, c'est que tous ces mots-là, ils ont tous un sens dans la langue arabe. Ça c'est clair. Et le sens dans la langue arabe, on le trouve dans n'importe quel dictionnaire, le Qawamis ou le Ma'ajim, de l'oral arabia, on cherche, on trouve le sens, des fois il y a plusieurs sens. Mais il y a certains mots qui ont un sens bien particulier dans la législation. Et ce sens qu'on appelle le ma'ana shar'i, qui c'est qui l'a expliqué? C'est Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah. Et on a dit que la règle, d'une manière globale, c'est qu'on fait toujours prédominer le sens dans la législation sur le sens dans la langue arabe. S'il y a un mot qui vient dans le Coran ou dans la Sunna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un sens bien spécifique à ce mot, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna, il a donné un sens bien spécifique à ce mot-là, on n'a pas le droit de comprendre ce mot-là en se basant simplement sur la langue arabe. On est obligé de faire devancer son sens dans la législation. On avait cité l'exemple de des hadiths de Jibril, le Mashhur, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné par Jibril sur l'islam ou l'iman ou l'ihsan. L'islam, il a un sens dans la langue arabe. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué avec un sens plus particulier qui est le sens dans la législation. Il a cité les cinq piliers de l'islam, comme il a expliqué après l'iman avec les six piliers de la foi et l'ihsan avec les deux piliers de l'ihsan. Or, ces trois mots-là, clairement, ils ont un sens dans la langue arabe, mais leur sens dans la législation, il est plus particulier, plus conditionné. Là, c'est pareil pour l'ibada. L'ulama, il cite toujours, dans un premier temps, le sens du mot dans la législation, puis il cite le sens, pardon, dans la langue arabe, puis il cite le sens du mot dans la législation. Il y a toujours un lien entre les deux. Il y a toujours un lien. Et en général, le sens du mot dans la langue arabe, il est plus large. Et le sens du mot dans la législation, il est plus conditionné, plus particulier. Et donc ici, il cite la définition de l'ibada de Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Il dit l'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il aime et il agrée. Comme parole, comme acte, qu'il soit apparent ou qu'il soit caché. Ça, c'est la définition de l'adoration, donc dans la législation. On va rajouter ici que le ma'ana, ce qu'on appelle le ma'ana, c'est le ma'ana l'ismi. Le ma'ana l'ismi. On va voir après qu'il y a aussi, les ulama, ils parlent de le ma'ana l'masdari. Le ma'ana l'ismi, c'est quoi le sens? C'est ce que le shir, il a cité ici. C'est tout ce qu'Allah Jalla wa Ala il aime et il agrée comme acte et parole. Que ce soit des paroles et des actes du cœur, ou une parole de la langue, ou des actes des membres. On sait que l'iman, on l'avait vu dans le wasitiya, l'iman qawl wa amal. Parole de la langue, parole du cœur, acte des membres et acte du cœur. Donc toutes les paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et tous les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et il agrée, il nous ordonne de les faire. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas comme acte et comme parole, il nous interdit de le faire. Ça, c'est l'ibada. Donc, le sens, c'est l'ismi. Le ma'ana, l'ismi, c'est ça. C'est les paroles et les actes. Qu'Allah, Jalla wa ala, il aime, il nous a demandé de les faire. S'il n'aime pas, il nous interdit de les faire. Ensuite, le shir, il va commencer à expliquer le verset. Abdurrahman ibn Qasim, il dit « Wa ma khalaqtu » أي ما خلق الله الثقلين الجن والإنس إلا لحكمة عظيمة وهي عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سوى. Donc, وما خلقت الله جل وعلا دي je n'ai créé les djinns et les hommes. الثقلين. Donc, les djinns et les hommes, c'est les deux catégories parmi les créatures d'Allah جل وعلا qui sont ce qu'on appelle مكلفين. Mukallafin, c'est-à-dire qui sont chargés d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et qui seront jugés conformément aux actes, à leur obéissance ou à leur désobéissance. Ça concerne ces deux catégories de créatures, les djinns et les hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés dans un but bien précis, qui est, comme il le dit dans le verset, illa liya'buduni, pour qu'ils m'adorent. Ici, c'est quoi le sens de l'adoration? C'est quoi ce qui est voulu dans l'adoration ici? C'est le tawhid. C'est le fait d'adorer Allah Jalla wa Ala, mais de n'adorer que lui. C'est pour ça que le shir donne tout de suite le sens. Et ça, c'est le sens de la ilaha illallah, tawhid. Le fait d'adorer Allah Jalla wa Ala seul, et de s'écarter, de se désavouer de toute autre divinité et de l'adoration de toute autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va développer après. فَفَعَلَ الْأَوَّلَ وَهُوَ خَلْقُهُمْ لِيَفْعَلُهُمُ الثَّانِي وَهُوَ عِبَادَتُهُ لَا لِيَفْعَلَ هُوَ سُبْحَانَهُ بِهِمْ الثَّانِيَ فَيَجْبُرَهُمْ عَلَى الْعِبَادَةِ فإن من سبقت عليه الشقاوة لم يريد سبحانه وقوع العبادة منه لما له في ذلك من الحكمة. Ici, il met l'accent sur une chose qu'on avait vue dans le wasitiya. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, on dit, il a créé les hommes, les djinns et les hommes, pour un but bien précis. Ensuite, ce but pour lequel il les a créés, c'est l'adoration. Lui, il a fait la première chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la première chose, c'est il les a créés. Donc ça, c'est un acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, il dit, وَمَا خَلَقْتُ خَلَقْتُ فِعْلُ وَفَاعِلُ. Ceux qui ont fait un peu d'arabe, فِعْلُ وَفَاعِلُ. Le tatou, c'est le sujet ici. Le sujet, et celui qui a fait l'action, qui a fait le verbe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. خَلَقْتُ, c'est Allah qui a créé. الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Pour que eux adorent. Pour que eux, ils m'adorent, Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que eux adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, l'adoration, c'est un acte qui vient des serviteurs, que ce soit djinn ou ins, djinn ou homme, l'adoration, elle vient d'eux. Donc le sens du verset, ça, il le cite pour répondre à certains parmi les mutakallimin ou soufia, qui comprennent que Allah jalla wa ala a créé les djinns et les hommes pour en faire tous des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala uniques. Or, c'est faux, on bien vient dans la réalité des choses, c'est que peu de gens pratiquent le tawhid. Mais eux, ils ont compris le sens du verset. Comme ils l'ont compris, c'est qu'Allah Jalla wa Ala, il a créé les djinns et les hommes pour tous en faire des adorateurs. Or, ce qui est voulu dans le verset, c'est qu'Allah Jalla wa Ala, il a fait la première chose, il les a créés pour que eux fassent la deuxième. C'est-à-dire l'adoration. L'adoration, c'est eux qui la font, et l'acte, il leur est attribué à eux. Donc c'est ce qu'on appelle une hikmatun shar'iyya. C'est un but qui est shar'i, pas kauni. On avait vu la différence dans le wasitiyya. Il y a des choses qui sont kauni, qadari. C'est-à-dire c'est une chose qu'Allah il veut. Et rien ne sort de cette irada, de cette volonté. Ce qu'on appelle l'irada tel kauniya, el qadariya. C'est une chose qu'Allah il veut, il l'a fait. Rien ne peut sortir de cette volonté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, la mu'aqiba li hukmi. Li hukmi il kauni, yani. Ensuite, il y a ce qu'on appelle al-hikmatun ou al-amrun ou al-iradatu shar'iyya diniya. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne de faire aux gens. Mais ils sont libres de choisir. Allah jalla wa ala, il leur a donné une volonté, il leur a donné une capacité, soit d'obéir, soit de désobéir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés pour qu'eux l'adorent lui seul sans lui donner aucun associé dans l'adoration. Donc c'est ça qu'il a voulu expliquer ici. Ensuite, il dit dans le sens du verset wa qala ba'du salaf illa li amurahum wa anhaahum wa ikhtarahu az-zajjaj wa shaykh al-islam ibn taymiyyah wa ghayruhuma qala ta'ala ay yahsabu al-insanu ay yutraka suda ay la yu'maru wa la yunha wa qala u'budu rabbakum ay ittaqu فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك وكلما وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد الله بجميع أنواع العبادة. Ici, dans le sens du verset, il y a certains salaf, donc là il y a un petit khilaf entre les salaf, mais c'est ce qu'on appelle khilaf al-tanawwa. Khilaf al-tanawwa, c'est-à-dire il n'y a pas de contradiction entre les deux paroles. Il y a certains salaf qui ont dit, c'est la parole de Allahu a'lam de Mujahid. Et là, ils ont dit li ya'budun ya'ni illa li amurahum wa anhaahum. Donc je ne les ai créés que pour leur donner des ordres et leur interdire, pour leur interdire des choses, pour ordonner certaines choses et pour interdire d'autres choses. Et ça, Zajjaj, qui était un grand savant de la langue arabe, et Ibn Taymiyyah, ils ont choisi cette parole-là. Il y a d'autres parmi les salafs, et c'est la parole de Ali, radiyallahu an, ils disent que le sens c'est « illa liwahidun », c'est-à-dire qu'Allah jalla wa ala, il les a créés pour leur ordonner le tawhid, de l'adorer seul. La différence entre les deux paroles, elle est fine, mais il y a une petite différence, c'est que la première parole, c'est-à-dire la parole de Sheikh al-Islam Taymiyyah ou Zajjaj, enfin la parole de Mujahid, qu'Ibn Taymiyyah il a choisi, c'est une parole plus large. C'est-à-dire, Allah Jalla wa Ala, il a créé les djinns et les hommes pour leur donner des ordres. Et ça comprend l'ordre du tawhid, adorer Allah seul. Mais ça comprend aussi l'ordre d'autres choses. La salat, la zakat, le hajj, bir al-walidayn, wa ghayr dhalik. Dans la deuxième parole, le sens, la parole de Ali, radiallahu an, Il les a créés pour leur dire adorer Allah seul. Et c'est une parole qui est plus précise, plus comment dire, plus particulière. C'est pour ça qu'il dit après, waqal u'budu rabbakum. Donc on voit que dans cet ordre-là, quand Allah dit u'budu rabbakum, c'est adorer votre Seigneur seul, sans lui donner aucun associé. Il leur ordonne ce pourquoi il les a créés. Il les a créés pour le tawhid, donc il leur ordonne de pratiquer le tawhid. Et c'est pour cela qu'il a envoyé les messagers. Et il y a une parole aussi d'Ibn Abbas qui dit qu'à chaque fois qu'Allah Jalla wa Ala, il ordonne al-ibada dans le Coran, le sens qui est voulu, c'est le tawhid. Comme Allah Jalla wa Ala, il dit Wama umiru illa liya'budu. À chaque fois, le sens de l'ibada, quand l'ibada vient dans le Coran, c'est l'ikhlas. C'est le tawhid. À la kulli hal, il n'y a pas une grande différence entre les deux paroles. Puisque même quand Allah Jalla wa Ala, il ordonne de la salat ou la zakat, il ordonne évidemment le tawhid dans la salat ou le tawhid dans la zakat. Que l'ibad, il pratique la salat pour Allah subhanahu wa ta'ala seul et qu'il ne donne pas la salat ou des composants de la salat comme le sujoud, le ruku' ou le du'a à un autre Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, c'est une parole de l'imam al-Qurtubi, il dit wa summiyat wadha'if fi shar' ibadat li'annahum yaf'alunaha khadi'in lillah fayakununa min ahli ar-ridha. Ici, ce qui donne, c'est la définition de l'ibada, mais ce qu'on appelle al-ma'ana al-masdari. Al-ma'ana al-masdari. Al-masdar, c'est un acte. Encore une fois, ce qu'on a cité avant, c'était al-ma'ana al-ismi, c'est-à-dire les paroles et les actes qu'Allah il aime et qu'il nous ordonne de faire. Ici, al-ma'ana al-masdari, c'est ce qui doit se passer ou ce qui se passe dans le cœur de l'adorateur quand il fait ses actes. C'est-à-dire que l'adorateur, lorsqu'il dit ses paroles ou lorsqu'il fait ses actes, il se passe quelque chose dans son cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe dhul, c'est-à-dire l'humilité, le rabaissement, la soumission, et l'hub, et l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un amour de glorification. Un amour qui va provoquer l'espoir, la peur et le ta'zim pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle al-ma'an al-masdari. Il n'y a pas de contradiction entre les deux définitions. Mais les deux définitions, elles se regroupent et l'un implique l'autre. C'est-à-dire l'adorateur, le muwahhid, lorsqu'il pratique un acte ou lorsqu'il dit une parole qu'Allah lui a ordonné de faire. Donc Allah, il aime. Dans son cœur, il y a ça. Il y a le fait de se rabaisser, de s'humilier et de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le sens de l'adoration. وقال الله تعالى دونك سا على سويت دو سي لا سويت دو فيرسي الله يدي ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون اخبر انه سبحانه وتعالى غير محتاج اليهم بل هم الفقراء اليه في جميع احوالهم. Allah Jalla wa Ala ensuite il dit qu'il ne veut pas d'eux qu'il pourvoie à son besoin à lui ou au besoin des créatures et qu'il ne veut pas d'eux qu'il le nourrisse, c'est-à-dire qu'il nourrisse Allah Jalla wa Ala. Ici le sens c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas besoin d'eux. Allah Jalla wa Ala il les a créés et c'est lui qui pourvoit à leurs besoins. Et eux, ce sont eux qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les domaines de leur vie, et leur obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle revient à eux-mêmes. Yawm al-qiyama, déjà fait dans le dunya, et yawm al-qiyama, le résultat, il sera pour eux-mêmes. Allah jalla wa ala, comme ça vient dans beaucoup de textes du Coran et de la sunna, il n'a pas besoin d'eux, il n'a pas besoin de leur obéissance. Allah Jalla wa Ala ghani, la yahtaj ilayhim, yani al-ghina, il n'a pas besoin d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a été là avant eux, il n'a pas besoin d'eux. C'est le sens. Il dit wa fil aya bayan wa 'izam sha'n at-tawhid idha kana al-khalq kulluhum lam yukhlaqu illa lahu. Et donc là, il lit le verset avec Tarjama. Le Tarjama, on a dit Kitab al-Tawhid, ce que le Cheikh il a voulu montrer dans ce chapitre-là, c'est l'importance du Tawhid et la place du Tawhid dans la religion de l'islam. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit dans le verset, on voit l'immense importance du Tawhid. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla il a créé les hommes et les djinns pour ça. C'est-à-dire, et si on regarde ce qu'on appelle en arabe uslub, c'est-à-dire la forme de phrase en arabe, on appelle ça uslub al-hasr ou uslub al-qasr, c'est-à-dire l'exclusivité. Allah, il les a créés que pour ça, pour rien d'autre. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, Allah Jalla wa Ala, il l'a créé pour une chose, pour l'adoration. Et les messagers, ils ont été envoyés pour une seule chose, pour appeler les gens à ça, à l'adoration. Et les livres, ils ont été révélés pour une seule chose, pour montrer aux gens et pour rappeler les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans lui donner aucun associé. Donc là, on voit quel est le lien. Pourquoi le Shir, il cite ce verset-là, par rapport à ce qu'on a dit, à ce que le Shir, il veut montrer dans ce chapitre-là. Encore une fois, il y a parmi les ulémas qui ont expliqué le livre, comme son petit-fils, Suleyman, qui a écrit le premier charh, At-Taysir al-Aziz al-Hamid, qui est une base sur laquelle se sont basés tous les gens qui ont expliqué le livre après lui, se sont basés sur son livre. Lui, il voit que le Shir, il a voulu expliquer dans le premier chapitre, quoi? Comme on l'avait dit, le sens du Tawhid. C'est clair qu'il y a des textes, il y a des versets, dans le hadith de Mu'az aussi, comme on verra, Inch'Allah, il y a le sens du Tawhid. Ces textes-là, ils montrent le sens du Tawhid, c'est quoi l'adoration d'Allah seul, sans lui donner aucun associé. Mais on sait aussi que le Shir, il a écrit un chapitre consacré à expliquer quel est le sens du Tawhid, quel est le sens de la ilaha illallah dans le cinquième ou le sixième chapitre. Il a consacré un chapitre à ça. Donc c'est peu probable qu'il ait visé ceci dans le premier chapitre. Il fasse deux chapitres qui ont le même sens. C'est peu probable. Allahu alam. Dans le deuxième verset, le Shir, rahimahullah, il cite la parole d'Allah. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Le Shir cite le verset où Allah Azza wa Jalla dit: et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du taghut. Le Al-Muhashi, rahimahullah, il dit Tarut. Donc ici, il veut éclaircir quel est le sens du Tarut. Allah Jalla wa Ala, il dit qu'il a envoyé un messager dans chaque communauté pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarut. Donc afin de comprendre ce que c'est l'écartement du Tarut, il faut qu'on connaisse quel est le sens du Tarut. Qu'est-ce que c'est le Tarut à la base? Dans la charia. Encore une fois, ici, on va voir qu'il va citer, comme on l'a dit avant, le sens du tarout dans la langue arabe. Et ensuite, il va citer le sens du tarout dans la charia. Qu'est-ce qui est voulu dans la charia par tarout? Et qu'il y a toujours un lien entre les deux, mais que le sens dans la législation, il est toujours plus particulier. Il dit, tarout est mushtaqun min at-tughyan. Wa huwa mujawazatu al-haddi. Il dit At-Tarut, c'est un mot, en arabe on appelle ça Sifatun Mushabbaha, et c'est dérivé de At-Tourian. At-Tourian, c'est le masdar du verbe Tara. C'est le fait de dépasser une limite. Les choses, elles ont une limite. Quand elles dépassent cette limite-là, on appelle ça Tourian. Le dépassement de la limite, ça c'est le sens dans la langue arabe. C'est-à-dire que toute chose qui dépasse sa limite, quel que soit le domaine, on va appeler ça tarout, on va appeler ça tourienne. Allah Azza wa Jal, il utilise ce mot-là dans son sens, dans la langue linguistique, dans la langue arabe, dans un verset du Coran, dans le Qissat Nuh, lorsqu'il dit « Inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariya » Lorsque l'eau a dépassé les rives ou à dépasser, à outrepasser sa limite. C'est-à-dire, Allah Jalla wa Ala, il décrit Toufan. Il décrit le déluge. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au ciel de pleuvoir et à la terre de sortir son eau pour anéantir les kuffars. Donc là, lorsque l'eau a dépassé le lit du fleuve ou les rives, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a transporté Nuh et ceux qu'il avait ordonné de transporter dans l'arche, fil jariya, dans l'arche. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie le verbe tara. Tara, l'eau, elle a dépassé sa limite habituelle. Et ici, évidemment, ce qu'on comprend, c'est le sens dans la langue arabe. Ce n'est pas le sens dans la législation. On n'est pas en train de parler il parle de l'eau. Et donc, c'est le hukm de l'eau. Elle a dépassé sa limite qu'elle a d'habitude. Ensuite, il dit, وَيَكُنُ وَحِدًا وَجَمْعًا وَيُؤَنَّسْ وَيُذَكَّرْ. C'est-à-dire que dans le Coran, on trouve des fois que le tarout, il vient au singulier, des fois au pluriel, des fois il vient, Allah Jalla wa Ala, on voit qu'il est féminin et des fois il est masculin, selon les versets où ça vient. Et maintenant, il dit, Wali salaf, fihi tafasir la tanafi baynaha. Et donc les salafs, ils ont expliqué le sens du mot tarout maintenant dans la législation. Il dit, et ils ont donné plusieurs paroles, il n'y a pas de contradiction entre elles. Ça revient à ce qu'on a dit avant. Il faut savoir, ça c'est une règle très importante, que dans le tafsir des salafs, dans les versets du Coran, on trouve des fois dans des versets, les salafs, ils ont plusieurs paroles dans le sens d'un mot, dans un verset ou dans le sens d'un verset. Donc on peut appeler ça khilaf. Mais ce n'est pas un vrai khilaf, c'est pour ça que les ulama comme Ibn Taymiyyah, Allahu alam, peut-être c'est le premier qui a utilisé ce mot-là, il dit, ça s'appelle khilaf ou tanawwu'. Tanawwu', ça vient de naw'. Naw', c'est une sorte. C'est-à-dire que c'est comme si on prend cet exemple-là de tarout, et tarout, c'est comme si c'est une. C'est, comment dire, c'est un mot global sous lequel rentre. On a plusieurs exemples de tarout, on a plusieurs sortes de tarout. Et les salafs, ils vont citer, il y en a un qui va citer une sorte, l'autre il va citer une autre sorte. Tous rentrent dans le sens du tarout, mais ils citent des sortes différentes, et ça c'est ce qu'on retrouve le plus dans le tafsir des salafs. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans sa muqaddima fi usul al-tafsir, pour expliquer les règles du tafsir, il donne un exemple, il dit le khobz, le pain. Si tu dis à quelqu'un, c'est quoi du pain? Quelqu'un va te poser la question, c'est quel quoi du pain? Moi, par exemple, je vais lui montrer une miche. Mohamed, il va montrer une baguette. Baris, il va lui montrer un pain, je sais pas, moi, un pain rond, un pain turc. Ça tombe bien, ça. Et Yassine, il va lui montrer un. Tout ça, c'est du khobz. C'est des sortes de pain. Mais c'est tout c'est du khobz. Les salafs, dans leur tafsir, la majorité, quelqu'un qui lit la parole des salafs, comme dans tafsir al-Imam al-Tabari ou dans Ibn Kathir, souvent ils citent les paroles des salafs et le khilaf, il est tout le temps comme ça. Et là, c'est exactement pareil pour le mot at-tarut. At-tarut, les ulama, ils ont cité des salafs, ils ont cité plusieurs mots. Omar ibn al-Khattab, il dit shaytan. Jabir ibn Abdullah, il dit huwa al-kuhan allati tanzil alayhi shayatin. Donc c'est les devins sur lesquels descendent les shayatins qui ont volé la parole au ciel, comme on le verra, inshallah, dans le livre. Amr ibn al-Khattab dit que c'est shaytan. Ibn Kathir dit que c'est une parole forte, parce qu'en réalité, shaytan, c'est lui qui embellit aux adorateurs d'Allah l'adoration d'un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que toute adoration qui est vouée à un autre qu'Allah, elle revient toujours au shaytan. Parce que c'est le shaytan à la base qui a embelli cette adoration-là et qui a ordonné l'ibad d'adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc par l'obéissance du shaitan là-dedans, l'adoration elle revient toujours au shaitan. L'imam Malik rahimahullah, il dit kullu ma'ubid min dunillah. L'imam Malik, il dit tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est un tarout. Il y en a, il rajoute la condition, il faut qu'il agrée cette adoration. C'est que les anbiya, ils ont été adorés en dehors d'Allah jalla wa ala, ça fait pas d'eux des tawarit évidemment. Puisqu'ils rejettent ça, ils se désavouent de ça, comme Isa alayhi salam, comme Allah Jalla wa Ala le montre clairement concernant Isa alayhi salam dans le Coran, par exemple. À la kulli hal, ils ont donné plusieurs sens au tarout, mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'on appelle khilaf tadad. Des fois, dans le Coran, il y a des ulama parmi les tabi'in, ils divergent dans le sens d'un mot, dans un verset ou dans une ayah, ils vont diverger, et si bien qu'on ne peut pas rassembler les deux paroles, c'est soit l'une ou soit l'autre. Ils ne sont pas d'accord sur un mot, par exemple. Comme Allah Jalla wa Ala il dit concernant les mutallaqat wa les mutallaqatu, Allah Jalla wa Ala il dit que leur idda c'est thalathata qurou. Thalathata qurou. Allah Jalla wa Ala il dit que le délai de viduité des femmes qui ont été divorcées c'est thalathata qurou. Les ulama ils ont diversé le qur, c'est quoi? C'est Tohr ou là c'est l'Haïd. C'est trois périodes. C'est quoi qu'on compte? Les périodes de menstrues ou là les périodes de pureté? Les ulama, ils ont divergé entre eux. Les ulama de Tafsir, ils ont divergé. Ils ne sont pas tous d'accord. On ne peut pas dire que c'est les deux en même temps. C'est soit l'une, soit l'autre. Wallahu alam. Ils ont divergé. Donc c'est ça ce qu'on appelle Khilaf Tadad. Khilaf un Tadad, on ne peut pas rassembler les paroles. Alors que là, qu'on voit par exemple dans Tafsir al-Tahout, ça s'appelle khilaf al-tanawwu'. C'est-à-dire que ce n'est pas un vrai khilaf. On peut rassembler les paroles. Simplement, les salafs, ils ont cité des sortes différentes de Tahout. El-Shir, il dit en tous les cas ici, toutes ces sortes-là, on peut. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, où elle rentre dans la définition qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a donnée du Tarut, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in. Donc il dit Tarut, كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Donc le Tarut, c'est tout ce qui dépasse, ou tout ce par quoi le serviteur il va dépasser sa limite, en étant adoré, ou suivi, ou obéi, en dehors d'Allah Jalla. Et là, il n'a pas cité, le Cheikh Ibn Qasim, il n'a pas cité la définition d'Ibn al-Qayyim complète. Donc je vais continuer la définition d'Ibn al-Qayyim comme elle est complète. Il dit, continue, il dit, فَطَغُوتَ كُلِّ قَوْمٍ مَنْ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. Donc il dit que le tarout, c'est tout ce par quoi le serviteur il va dépasser sa limite à lui. La limite du serviteur, c'est quoi? La limite du serviteur, c'est d'être un serviteur, d'être un adorateur d'Allah Jalla wa Ala, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et le tarout, c'est le serviteur qui va outrepasser sa limite et qui va se mettre à l'égal d'Allah, ou qui va vouloir se mettre à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit en prétendant, en s'attribuant des droits qui n'appartiennent qu'à Allah Jalla wa Ala, comme la législation, rendre halal, rendre haram, légiférer des choses qu'Allah il n'a pas permises, soit prétendre détenir une science ou des actes que seul Allah Jalla wa Ala détient, comme la création, comme la connaissance de l'invisible, etc. Soit ça va être en recevant des actes des serviteurs, soit des actes d'adoration, soit en étant suivi dans le batil. Tout ça, le serviteur, il outrepasse sa limite en faisant ça. Et il devient tarout en faisant ça. Et il dit, donc il dit min ma'bout. Min ma'bout, c'est-à-dire comme par exemple, al-amwat wal-qubur, wal-asnam. C'est-à-dire que toutes ces tombes, comme c'est propagé surtout dans le monde arabe, qui reçoivent des adorations dehors d'Allah Jalla wa Ala, on peut appeler la tombe tarout. Même si El Wali, qui est dans la tombe, c'était un Wali, un rapproché d'Allah, même peut-être un messager ou un sahabi ou quoi que ce soit, mais la tombe, elle est considérée comme Tarut, elle reçoit une adoration en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, ou madbou'. Il dit, comme le Kuhan ou ulama Usu. Il donne comme exemple les ulama, comme le Kuhan, les devins, qui sont suivis dans ce qu'ils disent. Ou le ulama Usu, c'est-à-dire les savants du mal, qui font des fatwas en connaissance de cause qui vont contredire La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au muta'a. Là, il s'agit de l'umara wa la hukam, c'est-à-dire les gouverneurs qui légifèrent des lois qu'Allah jalla wa ala il n'a pas permises ou qui ordonnent aux gens des choses qui contredisent clairement la charia. Ça, il y a des chapitres là-dessus dans le livre où le shir, il détaille ces choses-là. Inch'Allah, là, c'est une définition globale. Et Ibn al-Qayyim, il rajoute. وكل من يتحاكمون إلي غير الله ورسولي. C'est-à-dire, tous ceux à qui on demande un jugement, que ce soit une loi. Donc, tous ceux à qui est demandé un jugement, que ce soit un juge, le juge lui-même, qui ne juge pas avec la loi d'Allah Azzawajal, ou que ça soit la loi en elle-même, la loi forgée, donc qui n'est pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça on appelle ça taghut. On prend ça du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, yuriduna an yatahakamu ila taghut. Yani yatahakamu imma ila al-qadi alladhi yahkum bi shar'i Allah, imma ila yani al-qanun. Nafs al-qanun yani. C'est-à-dire, soit celui qui demande le jugement au qadi, au juge qui ne va pas juger avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre dans le sens global du verset, ou même à la loi en elle-même, à la loi forgée, à laquelle on va, de laquelle on va prendre le hukm, ça c'est considéré comme taghut aussi. Donc Ibn al-Qayyim, c'est la première chose qu'il a citée, c'est le hukm autre que le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit la personne à qui on demande le hukm ou le hukm en lui-même, la loi forgée en elle-même. Où il dit. C'est-à-dire, comme on a dit, celui qui reçoit l'adoration en dehors d'Allah Jalla wa Ala, les ulama, ils rajoutent comme condition et qui a agréé ceci. Qui a agréé ceci. Évidemment, ça, si ça concerne un aql, un homme. La pierre qui reçoit l'adoration ou l'arbre qui reçoit l'adoration ou la tombe ou quoi, ça, c'est des choses qui ne sont pas aql. Ça ne peut pas rejeter l'adoration. Donc, on les considère comme l'arbre un tel, on va le considérer comme Tarut ou la tombe comme Tarut. Ou yatba'unahu ala ghayri basiratin min Allah, comme on a dit, les ulama, ils donnent l'exemple de l'ulama Usu, qui donne des fatwas. Ou alors, les gens qui sont obéis, ou qui sont suivis, pardon, dans des choses qui contredisent clairement la sunna. Comme certains ulama disent, celui à qui il apparaît clairement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui la rejette et qui va suivre le shir foulen parce que c'est son shir ou parce que je ne sais pas quoi, il peut tomber dans ce hukm-là. Et celui qui est suivi, il peut devenir tarut. Évidemment, si c'est dans quelque chose de clair. Si le shir il fait un ijtihad dans une chose dans laquelle on a le droit de faire un ijtihad et qu'il se trompe, ça, c'est le hukm, il change. Il rentre dans le hukm d'une mujtahid qui se trompe, et là, ou ajr, inshallah. Et là, il parle des choses qui sont claires, qui contredisent clairement la sunna. Ou le hukm d'Allah. Et pareil dans l'obéissance. Donc ça concerne ceux qui sont obéis, ceux qui imposent des lois qu'Allah Jalla wa Ala il n'a pas permises et qui sont obéis en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans le sens du ta'ghut. Tout ça, il va développer durant le livre, dans les chapitres suivants, inshallah. Il dit, وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ بَعَثَ فِي كُلِّ طَائِفَةٍ وَقَرْنٍ وَجِيلٍ مِنَ النَّاسِ رَسُولًا مُنْذُ حَدَثَ الشِّرْكِ فِي قَوْمِ نُوحٍ إلا أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يعبدوا الله أي وحدوا الله بالعبادة واجتنبوا يعني اتركوا وفارقوا عبادة ما سوى ولهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب. Donc il dit, Allah جل وعلا nous a informé qu'il a envoyé dans tout groupe, à toute époque, dans toutes les générations de gens, un messager. Et ça, depuis que le shirk est apparu dans le peuple de Nuh, puisqu'on sait que le peuple de Nuh, c'est le premier, donc son peuple, les gens de son peuple, ou du moins une partie des gens de son peuple, c'est les premiers qui ont donné un associé à Allah, Jalla wa Ala, qui ont pratiqué le shirk dans l'adoration, c'est le peuple de Nuh. Et donc, c'est pour ça que Nuh, c'est le premier des messagers qui a été envoyé, si bien qu'avant, n'y avait pas besoin d'envoyer un messager. Les gens, ils étaient sur les descendants d'Adam, alayhi salam, ils étaient sur le tawhid al-khalis. Et jusqu'à qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est scellé le message, la prophétie par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il leur a tous ordonné de transmettre ce message-là qui est adorer Allah. Et là, Cheikh, il dit, Ey wahidullah bil ibad. Donc comme Ibn Abbas, il a dit, à chaque fois qu'Allah jalla wa ala, il ordonne l'ibada, ce qui est voulu, c'est tawhid. Wahidullah. Wahidu masdar tawhid. Bil ibada. Wajitanibu. Et écartez-vous. Donc là, il explique, Ijitanibu par utruku, délaissé. Écartez-vous de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ceci que toute la création a été créée et que c'est pour cette raison-là que les messagers ont été envoyés et que les livres ont été révélés. Wajitanibu ablaru min utruku. Fa inni truku li adami al-fi'li. Wajitanibu taqtadi dhalika wa taqtadi al-muba'adata wal-mujanabata. Et il dit ici que wajitanibu, yani ijitanibu tarut. Ijitanibu, il dit c'est un sens plus fort que utruku. Écartez-vous, c'est plus fort que laisser, délaisser. Dans le fait de dire laisser, il y a le sens c'est ne faites pas l'acte. Alors que wajitanibu, ça va impliquer le fait de s'en écarter, vraiment de s'en mettre à l'opposé. Ça fait penser aussi au verset où Allah Jalla wa Ala, il dit « Wala taqrabu zina ».« Wala taqrabu zina ». Allah Ta'ala dit, il dit pas « Wala taznu ». Il dit « Wala taqrabu zina ». Ne vous approchez pas de zina. C'est plus fort que « la taznu ». C'est-à-dire ne faites pas zina. Ne vous approchez, pas de zina, c'est plus fort que « faites pas zina ». Encore une fois, c'est le fait de s'en éloigner et de s'éloigner de tous les sababs qui vont mener à zina. Et il dit, وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله ففي قوله تعالى أعبد الله الإثبات وقوله واجتنب الطاغوت النفي وهذه طريقة القرآن يقرن النفي بالإثبات فينفي ما سوى الله ويثبت عبادة الله وحده. Il dit, et ceci est le sens de la ilaha illallah. C'est-à-dire que ce verset-là, il montre, il explique le sens de la ilaha illallah. Et ici, il y a quelque chose d'important qu'on avait déjà cité. C'est le fait que Allah Jalla wa Ala, dans le Coran, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, des fois Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque kalimat al-tawhid, la ilaha illallah, par ces mots dans le Coran. Et des fois, il évoque la ilaha illallah par son sens. Pourquoi? Pour montrer que ce qui est voulu par ces mots-là, c'est l'application, la connaissance et l'application du sens. Et que ce n'est pas simplement une parole de la bouche. Comme on l'a dit avant, al-iman qawl wa amal. Par exemple, concernant ce verset-là, Allah Jalla wa Ala, il dit quasiment la même parole, le même verset, le même sens, mais en citant les mots de la shahada et pas le sens. Allah il dit wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah jalla wa ala cite dans ce verset là, même si à la fin il y a le sens aussi, fa'buduni fa'wahiduni, mais il cite dans ce verset là les mots de la shahada. إلا نوح إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني وما أرسلنا من قبلك. C'est exactement le même sens que ولقد بعثنا. Même sens. ولقد بعثنا في كل أمة يعني من قبلك من رسول. Dans ce verset-là, il dit إلا نوح إلي أنه لا إله إلا أنا. الشهادة avec ces mots. Dans ce verset-là qu'on a ici, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Il voit qu'il cite exactement la même ayah, mais cette fois-ci avec son sens. Et si on regarde bien ce qu'on appelle le tatabbu' ou l'istiqra, si on suit les textes du Coran, on va trouver qu'Allah Jalla wa'ala, il cite plus la shahada par son sens que par ses mots dans le Coran. Parce qu'encore une fois, ce qui est voulu, c'est la connaissance de ce sens-là et sa mise en application. Même si le fait de la prononcer, comme on l'a déjà dit, c'est aussi un pilier de la foi. Comme on l'a dit, la foi, c'est aussi « al-qawl »,« qawl bil-lisan ». Quelqu'un qui ne dit pas « la ilaha illallah Muhammad Rasulullah » alors qu'il est capable de le dire, il est kafir. Comme « bil-ijma'. » Tous les ulama, ils sont unanimes pour dire que quelqu'un qui ne dit pas les deux shahada alors qu'il est capable de les dire, même si c'est dans son coin, ce n'est pas une condition qu'il le dit devant tout le monde. Mais si même chez lui, tout seul, s'il peut la dire, et il ne la dit pas alors qu'il est capable de la dire, il est kafir. Zahiran wa batinan, comme il dit Ibn Taymiyyah, il est kafir, un vrai kafir. Pas juste en apparence. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré dans son livre, et le prophète sallam aussi, on le verra dans le hadith qui vient plus tard dans les chapitres suivants, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a surtout exprimé cette shahada par son sens. An ya'budullah wajitanibu at-taghut. Et c'est ça le sens du tawhid, c'est l'adoration d'Allah et le désaveu, le délaissement total du shirk. Et c'est pour ça que quelqu'un qui dit la ilaha illallah et qui en même temps fait du shirk, que cette shahada lui profite en rien. Elle lui profite en rien parce qu'il n'a pas réalisé. En général, c'est quelqu'un à la base qui ne sait pas ce que ça veut dire. Et comme on le verra, l'ilm, la science du sens de cette shahada, il est obligatoire, c'est une condition de sa validité. Et que même s'il le connaît, en tous les cas, il ne pratique pas ce qu'elle veut dire. Et ça, ça montre que cette shahada-là, elle n'est pas valide. Il ne pratique pas ce que cette shahada-là, elle signifie. Il dit « وَالنَّفِي الْمَحَدْ لَيْسَ بِالتَّوْحِيدٍ وَكَذَلِكَ الْإِثْبَاتَ بِدُونِ النَّفِي فَلَيَكُونُ التَّوْحِيدِ إِلَّا مُتَضَمِّنًا لِلنَّفِي وَالْإِثْبَاتِ وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ فَفِيهَا نَعْمْ » Donc il dit que ça c'est une parole d'Ibn al-Qayyim. Il dit encore une fois que comme on l'a dit, la définition générale que certains ulama y donnent du tawhid, c'est « إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ » Le fait de consacrer toute l'adoration à Allah seul. Qu'Allah il soit unique dans l'adoration. Qu'il reçoive lui seul l'adoration. Pas qu'on partage notre adoration pour Allah et un autre. Et ça ne peut se réaliser que par deux choses. Deux piliers. Al-Nafi ou Al-Ithbat. Le fait de rejeter, de s'écarter, d'adorer un autre qu'Allah. Ça c'est Al-Nafi. L'ithbat, l'affirmation, c'est le fait d'adorer Allah Jalla wa Ala seul. S'il n'y a qu'un des deux, ça ne s'appelle pas tawhid, même dans la langue arabe. Si je dis Qama Zaydun, là je vais attribuer le qiyam à Zayd. Mais ça ne veut pas dire que je ne l'attribue pas à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire Qama Zaydun Qa'im. Ou Qama Zaydun. Zayd, il est debout. Ça ne veut pas dire que je n'attribue pas le fait d'être debout à quelqu'un d'autre que Zayd. Si je dis la ma qama Zayd ou la yaqumu Zayd. Zayd, je renie le fait qu'Allah Jalla wa Ala, donc là il y a un nafi, je renie le fait que Zayd il soit debout, mais ça veut pas dire que je ne l'attribue pas à quelqu'un d'autre encore une fois. Donc il faut absolument que si je dis la yaqumu illa Zayd. La yaqumu illa Zayd. Là, on a le nafi ou l'ithbat. Je ne décris que Zayd par le qiyam. Tout ce qui est en dehors de Zayd, tous les autres, je nie, je rejette le fait qu'il soit debout. Et je ne décris que Zayd par la position d'être debout. Donc même dans la langue arabe, il n'y a pas d'ifrad sans nafi ou ithbat. De la même manière dans la sharia, de manière encore plus claire, il n'y a pas de tawhid sans le fait de renier toute adoration, de rejeter toute adoration qui est vouée à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'affirmer et de donner toute l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une parole Sa'd ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit wa fiha bayanu 'idham sha'n at-tawhid. Là encore une fois, on fait la relation entre ce qu'on appelle un tarjama, c'est-à-dire le titre que le shir il a donné au chapitre, et le verset. Encore une fois, là, Allahu alam, ça montre que l'auteur, Al-Muhashi, Abdurrahman ibn Qasim, rahimallah, il voit aussi que le sens du chapitre, c'est montrer l'importance du tawhid. Il dit que ce que le shir il a voulu faire en citant ce verset, c'est pourquoi les messagers ils ont été envoyés pour appeler les gens au tawhid. Et ça montre l'importance du tawhid et ça montre que c'est la première chose à laquelle ils ont appelé. Avant la salat, avant la zakat, la salat elle a été légiférée la 9e année de la révélation. Qu'est-ce que le professeur Sallam il a fait quoi les 9 premières années? Il a ordonné quoi? C'était la da'wah du tawhid. Donc ça montre l'importance du tawhid et la place du tawhid dans la religion et que c'est prioritaire sur toute autre chose. Que ça soit dans la pratique comme dans la da'wah, comme on le verra dans le chapitre de la da'wah, inshallah ta'ala. Il dit, et donc dans l'aya, il y a aussi, fil aya, wa iqamatul hujja ala l'ibadi. Wa iqamatul hujja ala l'ibad. C'est-à-dire que la preuve, elle a été donnée aux serviteurs, que ce soit les djinns et les hommes, par l'envoyé des messagers. Et par la révélation des livres. Allah dit, c'est-à-dire que le message, il a été passé par les messagers et par la révélation des livres. Si bien qu'après les messagers, il n'y a plus aucune excuse. Comme Allah a dit, donc des messagers annonciateurs, avertisseur pour qu'il n'y ait plus pour les hommes, que ce soit djinn encore ou ins, puisque les deux sont mukallafin, qu'il n'y ait pas de hujja d'excuse après l'envoyé des messagers devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme certains ont dit, oh Allah, tu nous as pas envoyé de messagers. Ils n'auront pas d'excuses yawm al-qiyamah. Ils ne pourront pas dire ça. Khlas, les messagers, ils ont été envoyés, plus d'excuses. Dis wa ma'ana la ilaha illallah. Donc on a aussi dans ce verset-là, comme on l'a dit, le sens de la ilaha illallah. Wa qala al-musannifu wa fihi al-hikma fi irsal ar-rusul. Et dans ce verset-là, on a aussi la raison, le but pour lequel Allah Jalla wa Ala il a envoyé les messagers pour appeler au tawhid. Wa anna ar-risalata 'ammat kull umma. Et que le message, il englobe, il a atteint toutes les communautés, tous les peuples. Il y a des ulama qui prennent ça pour dire que vous avez déjà entendu parler de Ahl al-Fatra. C'est-à-dire qu'il y a des ulama qui disent qu'à certaines époques, il y a des gens qui n'ont pas reçu le message. Qui n'ont pas reçu le message. C'est-à-dire que le messager qui est venu avant eux, son message ne les a pas atteints. Et qu'ils n'ont pas non plus atteint le messager qui est venu après eux. Donc ils n'ont pas eu du tout de message. Ils appellent ces gens Ahl el-Fatra. Et ces gens-là, ils rentrent dans une certaine catégorie un peu spéciale, sans trop rentrer dans les détails, qui ont certaines caractéristiques qui sont différentes des autres mouchriquins. C'est-à-dire que s'ils font le shirk, mais qu'ils n'ont pas reçu le message, on va dire d'eux qu'ils sont mouchriquins. On ne va pas juger de leur islam, comme les gens le font aujourd'hui. Mais, Yawm al-Qiyamah, Allah Jalla wa Ala, dans la parole de certains ulama, il ne va pas les châtier tout de suite. Il y aura l'imtihan, etc. Il va les. Comment on dit ça, l'imtihan? Il va les tester, etc. Il y a des ulama qui ont pris ce verset-là. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasoula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut pour dire ça, c'est batil. Le fait que Ahl al-Fatra soit à l'échelle d'une communauté ou d'une ville entière ou d'un peuple entier, ils disent c'est batil et c'est rejeté par les textes du Coran et de la Sunna. Ils prennent aussi le verset de Sourate al-Mulk. Kullama ulqiya fiha fawjun qalu khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala. À chaque fois qu'on va jeter un groupe dans le feu, on leur dira, il n'y a pas un messager qui vous est venu pour vous avertir? Ils diront si. Ça, c'est un délil qu'ils ont tous reçu un messager. Mais ils disent, ils ne rejettent pas, par contre, ces ulama-là, ils ne rejettent pas. Ça, parmi ces gens-là, il y a l'imam Tabari, il y a des grands savants. Ils rejettent pas Ahl al-Fatra complètement, mais ils disent que Ahl al-Fatra, c'est à l'échelle de certains individus. Il y a certaines personnes à droite, à gauche, qui n'ont pas reçu le message. Mais dire que Ahl al-Fatra, c'est à l'échelle d'une ville entière, ou d'une communauté entière, ou d'un peuple entier, ils disent ça, c'est bâtil, c'est rejeté. Même si on peut l'accepter, bil-aql, c'est on peut raisonnablement, ça peut exister, mais c'est rejeté par les textes du Coran et de la Sunna. Ça peut exister, mais c'est à l'échelle de certaines afrad, comme ils disent, certains individus. Sinon, ils disent pour quelle raison Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ces peuples entiers là. Alors qu'il dit qu'Allah il a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarot. Allahu alam, c'est la parole, un khilaf entre les ulama sur ce que c'est Ahl al-Fatra. Il y en a qui rejettent carrément Ahl al-Fatra, qui disent il n'y en a pas. Il y a un khilaf, mais il y en a, ils ont utilisé ce verset pour répondre à ceux qui voient que Ahl al-Fatra, c'est à l'échelle d'une ville entière ou d'une communauté entière. Il dit وَأَنَّ دِينَ الْأَنْبِيَاءِ est wahid. Et ça aussi, c'est important, c'est de montrer que ce verset-là, il montre que la religion des messagers, elle est unique. C'est-à-dire que la base de l'islam, c'est la même pour toutes les communautés et pour tous les messagers. Ils sont tous venus avec le même message. Adorez Allah et écartez-vous du taghout. Et ça, les ulémas, ils disent que c'est l'ijma' le plus fort et le plus qat'i, comme ils disent, le plus tranchant qui existe dans la religion de l'islam. C'est l'ijma' de tous les messagers sur ce message-là, l'adoration sur le tawhid, l'adoration d'Allah seul et le désaveu de toute autre divinité, de toute autre adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ijma' le plus muhkem, qat'i qui existe dans la religion de l'islam. C'est l'ijma' de l'anbiya sur leur dîn, sur cette base de l'islam, même si on sait que la législation d'un peuple à un autre, d'un messager à un autre, elle change. C'est-à-dire que ce qu'on a décrit au départ comme étant l'adoration, l'ibada, dans son sens, c'est le ma'an al-ismi, c'est-à-dire les paroles et les actes qu'Allah Jalla wa Ala il aime ou qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala il ordonne. Est-ce qu'il interdit ça? Ça peut changer d'une communauté à une autre. Mais le fait que les gens doivent vouer leur culte et leur adoration à Allah Jalla wa Ala seul, et doivent mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ça c'est la base de l'islam, c'est la base de toutes les législations, et il n'y a pas de khilaf entre eux dans cette chose-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. C'est-à-dire, vous avez un bon exemple en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Les mufassirun, bon, il y a un khilaf, mais il y en a qui disent ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire parmi les messagers. Qui étaient sur la même, tous les messagers qui étaient sur le tawhid, lorsqu'ils ont dit à leur peuple, ils قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم الآية. Donc, ils ont tous été unanimes sur cette base-là, qui est le tawhid, le désaveu du shirk et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et donc ça, c'est l'ijma' le plus fort dans la religion de l'islam. Il n'y a pas d'ijma' au-dessus de ce ijma'-là. Wallahu alam, inshallah ta'ala, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inshallah, s'il y a un frère qui a une question.